Vers Béchard par Isabelle Eberhardt. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 1. Dans la joie mélancolique des veilles de départ, mes dernières visions de Beni Ounif sont lentes, calmes, douces. C'est la veille du Mouled, la Noël musulmane. Et toute la nuit, dans le silence du Ksar en ruines et des grandes palmeraies, montent des battements sourds de tambourins et des voix monotones, berceuses, qui célèbrent la nativité du prophète. Enfin, les fidèles, là, s'endorment. Les voix se taisent, et le vent frais d'avant l'aube passe avec un murmure marin sur le sommeil des jardins. Le jour se lève en des lueurs orangées, sur le Ksar roux, sur la Kouba blanche de Sidi Slimane, sur la poussière terne. La face pâle et verdâtre de la lune s'abîme en un monde de vapeurs troubles. Nous partons, le Mokasni, Djilali et moi. En face de la Kouba de Sidi Slimane, Djilani arrête son cheval et implore la protection du grand saint de l'Ouest. C'est un nomade de Jériville, ce Djilani, une bonne figure bronzée et énergique, au sourire enfantin. Les heures s'écoulent, le soleil est très haut à l'horizon, et nous marchons toujours sur la même piste fauve où la brise soulève des tourbillons de poussière. Alentour, c'est la vallée monotone, les pierres noires, avec, à droite, la chaîne bleuissante du Grouse, et à gauche, les éternelles collines arides. Çà et là, une baraque en planche, une tente nomade noire, une tente européenne blanche, d'informe gourbi en broussailles du désert, les chantiers de construction du chemin de fer. Là, un peu de vie grouille, des hommes vont et viennent, des chants tristes, des chants marocains ou espagnols se perdent dans l'immense silence alentour. Puis, plus rien. Le tracé de la voie, des remblais et des tranchées couleur de sanguine, dans la Hamada, sans cesse pareil, âpre et pauvre. Dans un nuage de poussière cuivrée, des légionnaires passent. Dans un nuage de poussière cuivrée, des légionnaires passent, remontant vers le nord. Ils défilent avec un piétinement confus de troupeaux en migration et disparaissent bientôt dans la buée ardente des lointains. Bouhayesh, un poste tout récent, qu'on a bâti à l'ouest de Bouyala, abandonné. Une redoute en terre crayeuse, des baraquements vagues, d'informes gourbis marocains. À 200 mètres, on ne distingue rien dans l'éblouissement du soleil qui flambe sur la terre rouge, et c'est très inattendu, ce petit essai de vie provisoire qui durera autant que l'insécurité dans le pays. Nous essayons de nous reposer à l'ombre, au café mort, une fosse creusée dans la terre avec un toit en broussailles. Mais les mouches, les terribles essaims de mouches du sud, nous chassent bientôt de ce refuge, et nous repartons, nous nous en allons très loin, dans le lit desséché de l'oued, où quelques dattiers ombragent un puits. Dans le ravin, sur le sol sanglant, des oliviers sauvages, épineux et tordus, jettent les taches noires de leurs ombres courtes. Là, nous trouvons des amis, 5 ou 6 Mokasni d'Ounif en patrouille, et nous passons avec eux le restant de la journée, tandis que près du puits, gardé par de grands légionnaires blonds, des hommes demi-nus, le corps couvert de tatouages, lavent du linge sur des pierres, les exclus. Les légionnaires chantent en allemand dans l'ennui de leur faction. Très bizarre contraste, ces hommes du Nord avec leur ritournelle germanique dans le grand décor désertique. C'est le soir. Avec la patrouille du Magzen, nous venons installer notre campement contre le mur de la redoute, près du camp des tirailleurs. C'est d'abord la gaieté du petit ménage nomade, les soins des chevaux qui hennissent aux musettes pleines, la flamme claire du feu qui s'allume, le va-et-vient bruyant de la fin du jour. Les tirailleurs viennent bien fraterniser avec nous, mais eux, les soldats frondeurs qui parlent sabir, restent des étrangers pour les Mokasni, les graves enfants du sud, restés très simples et très naïfs sous leurs bournous bleus. Quand le soleil est couché, tandis que les tirailleurs continuent à rire et à chanter, les mocassins s'écartent dans le désert et prient avec de beaux gestes, lents et solennels. Et la nuit tombe, claire, limpide, toute rose, sur la vallée déserte où les pierres et le sable scintillent vaguement sous la lune. À l'aube, sur la route, nous sommes de nouveau seuls, Jilani et moi. Nous traversons des ouèdes charmants où des immortelles blanches et des asters bleus s'épanouissent sous la brume légère des fenouilles dorées. Les lavandes argentées font des taches claires sur l'alpha sombre et les touffes noires d'oliviers sauvages. Le désert vit et sourit dans la fraîcheur et la limpidité infinie du matin. Ven-Zireg. Après des défilés ravinés, pleins de pierres déchiquetées et roulantes, jalonnés de chameaux morts, le ventre ouvert ou déjà desséché, une vallée d'ardoises d'un noir verdâtre entre les murailles puissantes de l'Antar à droite et du Béchar à gauche, finissant toutes deux en éperons hardis et abrupts sur la désolation et le vide de la vallée. Sur le fond lugubre du sol nu, une grande redoute blanche qui paraît livide. Sur le bord de l'oued, en fer à cheval, qui contourne la vallée, quelques masures en pierre fauve, sans crépissage, gargotes espagnoles et café mort. Il est midi. Un feu sombre semble brûler sur la poussière d'ardoise, au pied des collines noires. Nous allons chercher un peu d'ombre, sous de maigres dattiers, dans l'oued. Là, il y a quelques puits d'eau tiède et troublée. Trois petits ânes, les yeux mangés de mouches, la tête pendant vers le sol, attendent, résignés, qu'on les fasse boire. Un grand juif du Tafilala, roux, gandoura verte et turban noir, porte des couffins de pierre sous la surveillance d'un légionnaire. Dans les palmes brûlées, tout un peuple de cigales crisse indéfiniment. Avec le grincement aigre de la chaîne du puits, ce cri immense des cigales est le seul bruit dans ce décor d'une poignante tristesse. Le soleil se couche et des reflets de sang traînent sur les collines et la vallée. Pendant un instant, le Djebel Antar flambe, tout rose, puis tout s'éteint et s'assombrit. Bien lugubre, à la tombée du jour, ce décor de Ben-Zireg n'a guère encore repère de détrousseurs marocains. À Ben-Zireg, comme à Bouayesh, comme partout sur la dure terre ingrate du sud-ouest oranais, ce sont les vaillants légionnaires qui ont posé la première pierre du village futur, qui ont même su faire pousser quelques buissons et quelques légumes dans le lit de pierre et d'ardoises stériles de l'oued. Et ces pauvres gens peuvent tirer autant de gloire de ces efforts utiles et pacifiques que de leurs exploits de guerre aux plus lointaines colonies. Sans regret, sans espoir, sans aucune attache, ces hommes sont tout à leur tâche obscure, loin des regards admiratifs, loin de tout ce qui rend courage et stimule les énergies. Ce qu'ils ont déjà fait et la vie qu'ils mènent suffisent pour leur faire pardonner bien des travers de leur caractère particulier. Isabelle Eberhardt, Kenadza, juin 1904. Chapitre 2. Encore un défilé pierreux, d'un gris rose sous la lune, et sortant de la vallée de Ben-Zireg, nous entrons dans une grande plaine. Les montagnes s'écartent à l'horizon. La terre pâlit, plus d'ardoises, plus d'argile rouge, du sable blond qui s'irise dans la transparence verdâtre du matin. Des heures s'écoulent, et c'est de nouveau le flamboiement aveuglant du jour. À notre gauche, courent maintenant deux étranges chaînes parallèles de collines en forme de pitons réguliers, inclinées vers le nord-est, Bezazil el-Kalba, les mamelles de la chienne. La chaîne la plus rapprochée est d'une teinte d'ocre fauve pâle. L'autre, plus haute et moins symétrique, prend des nuances d'un violet rougeâtre. Pendant des kilomètres et des kilomètres, nous longeons ces collines singulières, bordant le vide de la plaine. Çà et là, un oued desséché, avec de grands lentisques arborescents, des touffes de jujubiers épineux et de ptomes amers. Nous rencontrons quelques nomades d'Ouimenia, loqueteux, armés de vieux fusils et chaussés de la Nahala, la sandale saharienne en cuir de bœuf retenue par une attache en laine passant entre l'orteil et les autres doigts du pied. Il nous salue humblement, mais avec un regard oblique sur le burnous bleu du mokasni. La chaleur devient brûlante et lourde, et nous nous assoupissons sur nos selles surchauffées. Nos chevaux s'en vont au pas, paresseusement, le long de la route tracée. Nous ne pensons plus à rien. Parfois, Gilani essaye de chanter pour se réveiller, mais sa mélopée triste se ralentit bientôt et meurt dans l'écrasant silence de la méridienne. Quelques gourbis légers, des chevaux entravés, des hommes en gandoura, le cou et les bras nus qui ressemblent à des bergers, un poste de mokasni sur la hauteur. On boit du café dans de vieux cars en fer, on cause des affaires du bled. Et nous repartons de nouveau. Enfin, à l'horizon, sous une dune fauve qui flambe, une ligne noire s'étend. La palmeraie d'Ouagda. C'est loin encore, cette ombre souhaitée. Et pourtant, nous nous égayons. Gilani chante maintenant, s'interrompant pour me montrer en riant le grand lac bleu que le mirage fait miroiter au pied de la palmeraie et où les dattiers semblent se mirer. Au bord du lac, une armée passe lentement avec un grand étendard rouge. Regarde, regarde, si Mahmoud, le srab, mirage, qui se joue de nous. Et Gilani rit comme un enfant, tandis que je regarde le lac azuré osciller et se rétrécir à mesure que nous approchons. Nous longeons les palmeraies d'Ouagda. Le lac a disparu, les soldats en marche ne sont plus que quelques pierres noires, et le grand étendard rouge n'est que l'armature immobile d'un puits saharien. Béchar, un embryon de village dominant l'Oued. Des maisons en toubes, des chantiers, quelques boutiques déjà dans une grande cour de caravansérail. Là, sous de petites tentes, des juifs roux de Kenatsa, vêtus de gandouras vertes et jaunes, avec un petit turban noir sur leurs cheveux huileux, martèlent lentement des bijoux en or et en argent. Les métaux précieux fondent dans de petites casseroles de fer. Des braises fument en de petites forges. Et les juifs pâles se penchent attentivement sur leur menu travail, avec parfois un chant cadencé et monotone aux aisayants accents. Plus haut, presque au pied de la longue dune dorée, la redoute encore inachevée, les cours encombrées de matériaux. Vers le sud-ouest, l'emplacement du bureau arabe. Là surtout c'est une genèse, un labeur hâtif. Une palissade en fil de fer sépare seule la cour de la plaine nue. Des tentes blanches d'officiers se dressent parmi les chevaux des spahis et du magzen entravés. Le café mort sous une tente nomade en loc. De vieilles nattes usées, quatre pierres et un bidon en fer blanc sur un feu de djérid sec et des essaims de mouches innombrables, acharnés, que le thé marocain sucré attire. Le cafetier, jeune xourien de Kenatsa, a déjà appris des légionnaires à jurer en allemand et même en flamand, et il accompagne volontiers ses discours d'énergique « Gottferdum ». Pourtant, quand je m'amuse à lui expliquer que c'est un blasphème, il paraît tout contrit. Ici, comme à Ounif, comme partout, les insouciants mokasni montent à la garde, à demi couchés sur le sable chaud, leurs fusils auprès d'eux. L'œil mi-clos, en une immobilité de chat se délectant à l'ombre brève des murailles. Le soir, sur le petit mur du quartier de la Légion, des hommes s'accoudent pour parler, en langues diverses, des mois qui leur restent encore à tirer. Deux Suisses jurent de ne plus rengager et font d'interminables projets de noces à tout casser dans les jolies petites villes des bords du lac Léman. Tous ces noms si lointains sonnent bien étrangement à cette heure du soir, dans cette redoute sud-oranaise, et tous ces plans de pauvres soldats étrangers n'ont pas bien l'air de devoir jamais se réaliser. Plus bas, au-delà d'un grand terrain vague, où le vent chasse des tourbillons de poussière, le czar de Taagda, un dédale de ruelles couvertes et noires, de maisons à terrasses parfois très hautes, le tout entouré d'une muraille flanquée de tours carrées en toube d'une teinte grise prenant au soleil des reflets métalliques. Des koubas maraboutiques d'un blanc fané et comme toujours d'innombrables sépultures apportant leurs notes de mélancolie et d'abandon autour des demeures des vivants. Dans le lit large et profond de la rivière, au cœur des palmeraies, je retrouve, avec une émotion nostalgique, des aspects de l'oued gracieux qui arrose Boussaada. Au pied des grands dattiers sveltes, des grenadiers en fleurs et, dans l'eau coulant lentement sur des cailloux blancs, des lauriers roses constellés de corolles d'une pâleur ardente. Ces jardins sahariens, avec leur fraîcheur humide et leur ombre mystérieuse, semblent avoir poussé presque miraculeusement au milieu de la Hamada, brûlée et nue, sur la terre maudite qui paraît à jamais stérile. Il est des coins charmants, des refuges d'ombre et de paix somnolente au fond de cette grande palmeraie de Béchar. De grands figuiers aux troncs noueux se tordent et étendent leurs branches fragiles vers les séguias qui murmurent doucement sous l'enchevêtrement des grenadiers et des vignes. L'eau transparente coule entre les plants de pastèques aux feuilles découpées et les menthes poivrées qui servent à aromatiser le thé. Au-dessus de tout cela, les dattiers groupés par famille, avec leurs troncs ciselés et leurs longues frondaisons bleuâtres, où le soleil jette des flèches d'or et allume des miroitements d'acier poli. Les gens de Béchar sortent le soir de l'oxar sombre pour s'étendre sur le sable chaud. Quelques marabouts, enveloppés de minces haïques de laine transparente, le visage blanc et impassible, s'éventent avec des chasse-mouches en crin blanc. Le reste des caratines noires, plus frustes et plus primitifs que ceux de Figuig. Ils portent une simple chemise blanche à larges manches, ceinturée autour des reins, et en bandoulière un long couteau marocain et une zaboula, une sacoche en cuir qui tient lieu de poche et de bourse. Beaucoup vont tête nue sous l'écrasant soleil, d'autres enroulent une cordelette en poil de chameau fauve sur leur front obscur. Il en est qui portent sur les joues des cicatrices régulières. Ceux-là sont de souches soudanaises, esclaves ramenés naguère par les Berbères et qui se souviennent encore de la terre lointaine où sont nés leurs pères. La plupart sont originaires du Mossi. Plus on s'enfonce vers le sud-ouest, plus sombres et plus fermés deviennent les visages. Plus rares aussi se font les hommes de race blanche. C'est une sensation de dépaysement, presque de malaise. Ce fourmillement noir, ces visages obscurs aux traits anguleux, après la beauté régulière des hauts plateaux et l'élégance pâle de certains types xouriens de Figuig. C'est aussi à Béchar que j'éprouve une sensation d'éloignement réel, pour la première fois dans le sud oranais. Pourtant ici, je n'ai pas retrouvé la sensation singulière de malaise et d'oppression vague que j'ai toujours ressentie à Beni Ounif, dans l'étroite vallée de pierre noire, sans horizon. Ici, c'est le vrai désert, large et libre, où la lumière roule ses ondes changeantes sur le beau sable d'or. Isabelle Eberhardt, Kenatsa, juin 1904.